mes gauche dans le Louvre. Joue mon sangaré dans la cove. On est bien, on est rempli de love. Ce soir on nous parle pas de love. Arrêtez puisque prête on est fraîche. Ce soir t'as raté si t'es pas là. T'es rentré mais tes talons te blessent. Une heure, deux heures te voilà mal à l'aise. Déhanche-toi, oublie tout, ça reste entre nous. Ce soir c'est la mala. Tu forces, on avance, on reste entre nous. On ne se mélange pas, ouais. Les amis font des bons comptes. Les ennemis s'en rendront compte. Ce soir c'est privé mon cher. Ce soir c'est midi. Petit à petit je m'en vais. J'suis comme un mousson garé. Malienne la soirée toute sa paix. Bambara j'suis validé. Ils m'attendent au tournant pour le succès. Doucement j'suis pas pressé. J'suis voulé la couronne j'vais voler. Désolé j'ai gagné. Akela, Akela. J'suis comme un mousson garé. Akela. Pas besoin qu'on me valide, tu confirmais. Tu n'as pas le niveau, mais toi de tes corps. J'y vais franco, ouais. Désolé, je me permets. Si j'écoutais ma conscience, bye bye. Si j'écoutais ma conscience, ouais, j'aurais touché les étoiles. Dis-moi pourquoi tu bombes, si je me souviens du passé, ouais. Tu me parlais sous conso, ouais. Je connais tes défauts, moi j'ai l'art et la manière de faire chavirer les autres. Moi j'ai l'art et la manière de faire chavirer. Petit à petit je m'en vais. J'suis comme un mousson garé. Malienne la soirée toute sa paix. Bambara j'suis validé. Ils m'attendent au tournant pour le succès. Doucement j'suis pas pressé. Tu voulais la couronne j'vais voler. Désolé j'ai gagné. Akela.